Auriez-vous tenu ce langage, monsieur ? Demanda madame Hulot en regardant fixement Crevel, si pour vous, j'eusse manqué à mes devoirs. Je n'aurais pas eu le droit de le dire, chère Adeline, s'écria ce singulier amant en coupant la parole à la baronne, car vous trouveriez la dot dans mon portefeuille. Et, joignant la preuve à la parole, le gros Crevel mit un genou en terre et baisa la main de madame Hulot en la voyant plonger par ses paroles dans une muette horreur qu'il prit pour de l'hésitation. Achetez le bonheur de ma fille au prix de... Oh, levez-vous, monsieur, ou je sonne. L'ancien parfumeur se releva très difficilement. Cette circonstance le rendit si furieux qu'il se remit en position. Presque tous les hommes affectionnent une posture par laquelle ils croient faire ressortir tous les avantages dont les a doués la nature. Cette attitude chez Crevel consistait à se croiser les bras à la Napoléon, en mettant sa tête de trois quarts et jetant son regard comme le peintre le lui faisait lancer dans son portrait, c'est-à-dire à l'horizon. « Conservez, dit-il avec une fureur bien jouée, conservez sa foi à un liberte, à un mari, monsieur, qui en est digne !» reprit madame Hulot en interrompant Crevel pour ne pas lui laisser prononcer un mot qu'elle ne voulait pas entendre.